Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. On retrouve Hent Arbrezonek avec Héri Le Naou, Héri, Kentel Perron, Perron Tri à Perugen ou Perrando à Perugen? Perrando à Perugen. 482, voilà, leçon 482 de Hent Arbrezonek pour cheminer tranquillement sur, bien, sur la voie de la langue bretonne. Et on commence toujours par Gerriou Arvu et Héri à la découverte d'un mot. Oui, alors la dernière fois, on avait parlé de maths. Donc, on va parler de mevel. Ça va. Pendant masculin. Ça, oui, ça va ensemble. Donc, mevel, hein, qui veut dire domestique, valet, employé même, hein, d'une façon générale. Alors, c'est même un peu plus large que mates, hein, parce qu'on l'emploie dans d'autres circonstances. On va voir ça. Alors, c'est un dérivé de mau. Mau qui est le masculin de maues, hein. Maoès, qui est beaucoup plus connu, hein, une femme. Hein. Ici, on ne dit pas ça aussi, on dit plar à tous les âges de la vie, mais normalement, c'est Maoès, or Vaoès, hein, une femme. Quoi. Voilà. Enfin, normalement, nous, on est normaux aussi, mais chez nous, on dit plar. Voilà. Alors, dérivé de Mao, qui est un vieux mot qui voulait dire un homme, un gaillard, un costaud. Quoi. Ça a donné un nom de famille, d'ailleurs, le Mao. Et puis c'était aussi, je me souviens quand j'étais gamin dans la région parisienne, le surnom des Bretons, les Mao. C'est assez bizarre, hein, on disait ça, les Mao. Hein. Et dans la marine aussi, je crois. Voilà, Mao. Mais le mot est très peu employé, le mot lui-même est très peu employé aujourd'hui. Donc il y a le nom de famille, le Mao, et il y a Kos Mao aussi, vieil homme. Voilà. Alors... Il y a aussi un verbe mawat qui veut dire regaillardir, hein, rendre redonner des forces. Et puis le dérivé donc mevel qui est beaucoup plus fréquent, donc qui veut dire comme j'ai dit un domestique, un valet, un employé en général. Hein, on disait par exemple mevel gouvernement, mais le gouvernement pour un fonctionnaire. Il y avait aussi, il y a eu toutes sortes de alors le pluriel c'est mevelien. Alors il y en a eu toutes sortes. Je me souviens le recteur de Pemrite parlait de d'Émile Combes, celui qui avait condamné le Breton à mort là en 1903. Il l'appelait mevelen diaoul, le valet du diable quoi. Donc voilà, le diable a un valet aussi, hein, paix à son âme. Alors, on se souvient aussi de la pièce de Jacques Zélias, hein, Mevel or Gosker, qui a été traduite en français par le Grand Valet. Je me souviens l'avoir vu jouer en breton au théâtre du Champourois par la troupe Strolan Bropagan, hein, dans les années 2000 par là, il y a une quinzaine d'années, quoi. Et c'était très, très bien joué, quoi. Hein. Alors, bon, beaucoup de choses autour de Mevel. Hein. Par exemple, un proverbe. Gweler ebud or mevel, evid or mevel mad, evid or mes fal. Il vaut mieux être un bon valet qu'un mauvais maître. Alors, le pluriel, comme je l'ai dit, hein, c'est mevelien, hein, les valets, quoi. Les valets, les domestiques. Hein. Des fois, il y a un mot aussi qui est mévelage, hein, pour dire des valets en général, la valtaille, quoi. C'est un peu péjoratif, hein. Mévelage, hein. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait parlé de n'estimant que d'anti ou armez, hein, et donc il disait qu'il n'estimait pas une maison s'il n'y avait pas une belle bonne, hein, une belle domestique. Et il dit aussi Nagor, mével peau délicate de Gaza. Vates de Nebat, hein. Alors, mevel peau délicate. Donc, le mevel. Alors, le mot délicate est très difficile à traduire. C'est à la fois leste, capable, doux et dégourdi, quoi. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la délicatesse. Hein. Voilà. Alors, quelques autres mots. Alors, mevel Austin. C'est un employé temporaire, quoi. donc embauché pour la moisson, hein, donc un saisonnier en fait. Hein. Donc voilà. Et puis il y a un adjectif mével qui veut dire servile. Alors comme Mao tout à l'heure, Mével a donné des noms de famille. Hein, le Mével, Mével ou le Mével, hein, très très répandu, et Mévéleg aussi quoi. Voilà. Et souvent quand on pour symboliser le valet, on dit Yann Mével aussi. Hein. Yann Mével quand on parle d'un valet en général, hein. Comme on dit Yann Zoudard, Yann Goyer. Hein. Bon, c'est une façon de le dire. Hein. Quand on symbolise une personne, c'est toujours Yann ou Fanch. Hein. Voilà. Alors, Die Wevel, hein. Die Wevel qui veut dire sans valet. Die Wevel, sans valet. Alors, un proverbe, Gwell and Mevel et Tevel. La meilleure qualité du valet, c'est de se taire. Oh, quelle horreur! C'est horrible! Ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas être trop bavard dans beaucoup de circonstances, quoi. Un autre proverbe, Sacramenter Briedeles, Lacader Mevel Ganer Vates. Le sacrement du mariage, c'est de mettre le valet avec la bonne. Ce qui, effectivement, se produisait très souvent dans les fermes. Ça veut dire quoi, un proverbe comme ça? Ça veut être... Il y a plusieurs explications possibles. ça peut vouloir dire que finalement, il vaut mieux se marier avec quelqu'un qu'on connaît bien. Hein, Mével, bien sûr, il connaît bien la bonne. Quelqu'un de la même classe aussi. C'est peut-être ça aussi, quoi, qu'il vaut mieux pas sortir de trop de sa condition, quoi. Et que c'est peut-être un peu ça aussi. Hein. Et un dernier proverbe, Bamisest, ne gousque dor Mével nagermest. Au mois d'août, ne dorment ni le maître ni le valet. C'est-à-dire qu'ils sont préoccupés tous les deux, évidemment, par la moisson. Alors, dans les fermes, autrefois, il y avait plusieurs valets, hein, et en particulier le grand valet, Mével Braz. Et mon grand-père maternel avait été grand valet, je ne sais pas trop, dans une ferme du côté de Duyot, là, avant de se marier et de se mettre à son compte. Voilà pour Mével. On passe à la seconde partie, Henri. Brezhoneg, temps m'attend. Thank you. c'est Henta Brezonek et c'est la partie du dialogue, Henri. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Schornig est allé voir Louis, le président des anciens, à Zantolek, à la suite du repas des vieux, près de Regos. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle comme ça. Oui, avec Strolat Gwerliskin et Strolat Kalak. Oui. Ben là, c'est un peu c'est Lein à Regos. Ah, c'est Lein à Regos, oui. Sens. Ici, c'est près de Regos. Hein. Le repas des vieux qui se fait à Zantolek traditionnellement le 11 novembre. Schornig. Salut, Louis. Marge. De ce que te glème, Schornig. La red dinta, Louis. Clé et meuse et wadéal, près d'Arregos, bas en tolloc. Ya, guiré, orvège blanc, végrette, gandor le, plija dura quarante, azikou redom gande barous. Bas en tolloc, végrette? Ya, evel jus, bati fange penquat, végrette ar prête, a milardar vetro warendol. Débet mat peus. Feya vat, or bandardi gorkal, on ne voit de dianton, gande bouet de marmous, a gour bandarzou, ben, walerze, hag walerze oa langue de bœuf gant bonedou tousek, hag rost eveltus waler, a zaladen, a fourmaj, hag on tom kunyaman gant ar hafe. Bouetskan, ben ar fin. Rekefen, Schornig, ne kemet ur vege blanc. A plijadur zo bet. O, ya, Schornig, vel kiz a kustum, gant oe nou zo bet, a zon eres, ton ur rost, ton ur hafe, trejun go l'accordéon, harmonika, ya, milardar ou aplija dur grand undut. Eh ben, on va reprendre, phrase à phrase, le dialogue. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils mangent, les anciens? Une fois par an, il a dit. Hein. Oui. Salut, Louis, manageux. Oui, salut, Louis, comment ça va? Ne ce que de glem, Schornig? Y a pas à se plaindre. La redinta, Louis, clé vetmeus, et wadéel, près d'Arregos, basant tolec. Oui, dites-moi, Louis, j'ai entendu qu'il y avait l'autre jour le repas des vieux à Zantolek. Ou Andéal, si je voulais dire bien. Andéal, hein. Ya, Guiré, Hervé Charblat, Végrette, Gandar Club, Plijadur à 40. Oui, on fait ça une fois par an avec le club des anciens, qui s'appelle Plijadur à 40. À Zigouredom, Gandar Barous. Oui, à Zigouredom, Gandar Barous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de repas, ils n'en font qu'un. Mais c'est la commune qui aide le club à financer. C'est pas bête. C'est pas bête. Bah, Zantolek, Végrette, demande Schornig. Alors, ça se passe à Zantolek. Ah, ya, vel juste. Bati fange penquat, te végré d'arpret. Oui, bien sûr, hein, c'est chez fange penquat qu'on fait le repas. Ami l'ardeur, vétra ou arandoul. Et je vous le dis, il y a des choses sur la table. Débet mat peus, demande Schornig. Débet mat peus, ya, vous avez bien mangé. Feyavat. Ah oui, vraiment. Ma foi, oui, quoi. Arban ardigor calon, et wad a guentan, grande boue de marmous. Oui, il y avait d'abord un peu d'apéritif, Arban ardigor calon, hein. Digor calon, apéritif, hein. Avec des amuse-gueules, bouée de marmouse. Hein. C'est quoi, c'est des cacahuètes? Bouée de marmouse, ça voudrait dire de la nourriture de singe, quoi. Ouais. Des petites choses, quoi. Des cacahuètes, des noix de cajou, à mi-warmi pétoroise. Agarban arzou benoirler. Agarban arzou benoirler, et bien sûr la soupe après. Hein. À langue de bœuf, gant bouée d'où tout sec. Bonnet d'où tout sec. Oui, alors le mot langue de bœuf est devenu un mot concentré, hein, en un seul mot. La langue de bœuf, hein. On ne dit pas tiodigène. Hein. Pour tiodigène, c'est la langue proprement dite du bœuf, mais langue de bœuf, c'est le mets, en fait. Hein, voilà. Avec les capres. Voilà. Avec là, c'est bonnet d'où tout ce que c'est, avec des champignons. Hein. Agar rose, veljus, warler. Et après ça, le rôti, bien sûr. La saladen. Et de la salade. Un fromage. Et du fromage. Agar tom kouignamon gant ar rafé. Et un peu de kouignamon avec le café. Alors, Schornig. Répond. Bouetskan, Benarfin. Ah, de la nourriture légère, finalement. Rikifen, Schornig. Nekemenor Vécherbla. Ne vous moquez pas, Schornig, ce n'est qu'une fois par an. A plijadur zo bet, demande-t-elle. Et il y a eu du plaisir. Ah, ya, Schornig. Velkis, à costume. Oui, Schornig, comme d'habitude. Quand nous et nous zo bet, à zon eres. Il y a eu des chansons et de la musique. Ton arros, ton arrafé. Alors, l'air du rôti, l'air du café. Trejun go, l'accordéon, s'harmonica. Clarinette, accordéon, harmonica. Ah, ya. N'est-ce que tristante du tout. Les gens n'étaient pas tristes. Eh ben voilà, on termine cette partie dialogue. Iri, on passe à la troisième partie. Petra zo neve ar vro, Iri. Ben, kalz e draou zo neve ba vro, me jon je meus gant peso ho ar vezet ba Paris. Je be gwellar or on di han ar vejman a pas komz deus un tammo disterach ou zo ba vro. Pe dur zo traou pel poezus or. Se tu me jon, je vije be mad la kadon tam zon erez ba plas Petra. Se tu vo gret eo gdis. Maj. Keno Eri. Bon, ken avona han Morgan. Thank you.